des globules avariés, en guise de blessure, des implants mortels, fixés dans le cerveau. L'addiction est si belle, dans un si beau ghetto. La splendeur, la grâce de ton maintien, l'éclat de tes yeux, la perfection de tes seins. Dans la pénombre de la nuit, son ombre passe et puis s'enfuir. Ton cerveau est un par une tendeur fatale, des actes inconscients et cette folie cérébrale. Les minutes passent et la psychose te gagne, empire une bonne fois, rideau sur ce drame. Les fils de la tristesse et de la douleur tissent leur toile pour ton malheur. Et pendant ce temps, crache son venin mortel, s'accapare tes pensées et les écartèles.